la publicité à télévision, ça s'adresse uniquement aux débiles mentaux. Thank you. Je le dis parce que s'il y en a parmi vous, c'est pour eux, les autres circulez, il n'y a rien à voir. Allez hop ! Ben, y en a beaucoup qui restent. Hein. C'est sympa, on se sent moins seul. Bon. Dorothy, where you going? Thank you. mind. Dorothy, I'm crying. Dorothy, I'm crying. Thank you. la télévision, par exemple, vous avez... Surtout, c'est pour les lessives. Je ne sais pas encore vendu, parce qu'ils nous en vendent. Hein. Can't be right there. I've been dreaming of this, sweet dreaming all my life. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vous êtes toujours sur le son FM Lost in Space. On écoutait à l'instant Gardens and Villas qui nous ont chanté Alone in the City. Nouvelle rubrique, enfin retour d'une rubrique plutôt ancienne, pour être tout à fait franc. C'est notre fameuse histoire de l'underground musical français de Éric Dezay et Dominique Grimaud qui va nous amener et continuer petit à petit à découvrir tout ce qui a marqué la musique en France dans les années 70. On aura Tangerine Dream et Nico dans la cathédrale de Reims en 1974 et encore plein d'autres choses que vous allez découvrir au fur et à mesure. Toutes ces structures échangent de temps à autre pour faire tourner les groupes pour lesquels elles partagent un certain intérêt. Les deux grands groupes français du moment, Gong et Magma, décident beaucoup de passionnés à se mouiller la chemise pour qu'ils viennent en leur contrée. À la fin de l'année 1973, l'idée lancée par Michel Carvalho de l'AGIA d'un réseau alternatif, institué celui-là, et couvrant toute la France, commence à faire son chemin et permet la première tournée française de Cannes en France. En novembre-décembre, le groupe allemand passe pour la première fois par Rennes, Bordeaux et Troyes après son passage à l'Olympia. L'une des réunions pour constituer le réseau alternatif, organisé par le groupe Action Musicale de Rennes, a lieu au centre Tickendalch à Saint-Vincent-sur-Oust, près de Redon, en présence notamment d'Hector Zazou et Joseph Racaille de Barricade. Le réseau Zéro est officiellement créé le 10 février 1974, lorsque 14 associations paraphent le manifeste de Boissy à Boissy-la-Rivière. Le manifeste attaque sans détour. Le showbiz n'est qu'un pourvoyeur de loisirs pour citadins fatigués et le réseau Zéro veut proposer une véritable alternative culturelle, si tant est que l'action culturelle fait partie intégrante des possibilités de changement des structures sociales. Par son manifeste, le réseau se fixe des règles. Ne pas traiter avec des intermédiaires, mais directement avec les créateurs. Fixer un barème de rémunération minimum et identique pour tous. S'engager à pratiquer une certaine solidarité entre associations ou entre associations et groupes. En 1975, à l'occasion d'une nouvelle coordination nationale à Troyes, le réseau Zéro s'étend à une poignée d'autres associations. Cependant, ce réseau ne dépassera guère le stade des belles intentions, chacun continuant de son côté, parce qu'il est plus simple, de fonctionner sans s'en remettre à une quelconque fédération. Certaines associations mettent aussi rapidement un terme à leurs activités. Ainsi, en 1975, l'AJA a été virée manu militari de ses locaux anciens. La municipalité fera construire un centre culturel, bon lieu, sans l'AJA. La taupe a peu duré, Aspect s'est dissoute. D'autres ont eu une activité pérenne, notamment l'association d'anciennes ATEM, créée par Gérard Nguyen, dont on reparle plus loin. D'autres encore apparaissent. En 1974, Gérard Drouot crée l'association Musique Action Reims, qui fait jouer Magma, Gong, Memphis Slim ou encore Archie Shep et le Brotherhood of Breath de Chris McGregor. Il co-organise avec Assad Debs le fameux concert de Nico et Tangerine Dreams à la cathédrale de Reims en décembre 1974. Nombre de ces petites structures s'orientent progressivement vers des musiques pour lesquelles la prise de risque financière paraît moins importante, voire laisse espérer une certaine rentabilité. Confesse-toi, Benoît. Et regardez-moi. C'est pas mieux, ça. On est là, si on regarde moi. C'est pas mieux qu'on le regarde. Est-ce que vous êtes plus mauvais que nous? Non, c'est parce qu'on c'est une question d'axe caméra, en fait. Si, il peut se mettre là, mais il est bien trop lui. Ah oui, non. Au moins quelqu'un m'aura pris en photo ou m'aura filmé. Bon, j'ai fait une petite photo pour Benoît quand même. Moi et toi, en quand même. Sympathique. Après, il n'y a pas de quoi? C'est pas tabou. C'est pas tabou, mais ça fait. Ça fait quoi? Ça peut pas la tabouité, mais ça retrouve tout le temps moi. De couleur, c'est-à-dire on a remis la cathédrale en couleur comme ça existait au Moyen-Âge. C'était Claude Coutan qui jouait le saut. Claude, il va très bien. Et qui sait que je suis là ce soir? Voilà. Je suis un peu plus de temps. Ah oui, il existe encore. Mais, hey. Ça serait une fois, je l'ai loupé cette partie. Dans les pales, dans les trucs un peu. Je me cherche partout. Mais. Ah, ça m'a envoyé par l'auto. Il m'a envoyé par. Par email. Ouais, mais moi je le vois en vrai parce que moi je trouve ta carte. Ouais, non. Ça s'en sort. Ah, tu regardes sur internet, c'est ce qui était. Le pouvoir pompidolien a insufflé ses dernières vigueurs aux Trente Glorieuses, urbanisant, réaménageant Paris pour l'automobile, prolongeant le plan de développement des réseaux routiers, autoroutiers et ferroviaires. La modernisation passe également par l'incitation à l'agriculture intensive, soutenue par la Communauté économique européenne. La France se modernise, mais elle doit brusquement faire face, comme le reste du monde, au premier choc pétrolier en 1973. Cette année marque également le début d'une augmentation inquiétante du chômage. La sécurité de l'emploi n'est plus assurée pour tous, les revendications se font beaucoup plus classiques, augmentation des salaires, conditions de travail. Le système n'est plus vraiment remis en cause de façon globale, ce sont ces rouages que l'on veut améliorer. Que pensez-vous de la hausse sur l'essence, monsieur ? Bon, personnellement, ça va me gêner beaucoup, certainement, parce que je roule tous les jours... Mon plein, je le fais tous les trois jours. Je pense qu'il y a un abus vis-à-vis du public. Et c'est quand même scandaleux. J'en subis les conséquences comme tout le monde. Je suis quand même sortie de chez moi pour en prendre exprès. Pourquoi ? Pour se rhabiller, pour le plaisir. Hein ? Ou pour faire une économie ? Non, pas pour faire une économie, parce que ça va me faire 300 balles à peu près. Alors c'est vraiment du plaisir. La France connaît aussi un grand renouveau de ses traditions régionales, porté par les mouvements de revendication identitaire, d'indépendance et de défense des langues régionales, laminés par près de 200 ans de jacobinisme. Les communautés libertaires, les collectifs autogérés ou encore les structures associatives sont autant de réponses concrètes pour faire vivre ces idées. De la Bretagne à l'Alsace, de la Corse à l'Occitanie, en passant par le Pays Basque, la résurgence du patrimoine culturel, notamment du folklore musical, participe à ce mouvement. Il s'agit d'une prise de position contre la société de consommation et de l'uniformisation culturelle qu'elle installe. Les fameux plateaux du Larzac, situés au sud du Massif central, deviennent l'un des lieux symboliques et tout à fait concrets de l'opposition à l'État centralisé. Les paysans y mènent un combat pour conserver leurs terres face au projet d'extension du camp militaire décidé en 1971 par le ministre de la Défense Michel Debré. Un premier rassemblement important a lieu en août 1973 et fait converger environ 60 000 manifestants vers le Larzac. L'année suivante, ils seront 100 000 à se solidariser avec les paysans expropriés. De très nombreuses communautés hippies s'y installent, tout comme elles vont éclore en Ardèche, dans les Cévennes, le Gard ou encore en Haute-Ariège, partout où les bâtiments de fermes abandonnés par l'exode rural peuvent être réinvestis. Cheval fou bivouac dans les paysages rocheux de Provence, à partir de 1969, Gong navigue au gré des courants, d'un ashram dans le sud de la France à une vieille demeure à Sens, près de Fontainebleau, ou encore à un château dans le bocage normand. Vers 1973, Crium Delirium retape un mas à Alès, dans le Gard, avant d'être expulsé par son propriétaire. Les musiciens d'Étronfou décident de s'installer en communauté en Ardèche afin de mener en parallèle activités agricoles et création musicale. Le camp du Larzac existe depuis longtemps. Il n'a jamais créé de problème. Il est nécessaire de l'étendre. La contrepartie, c'est qu'il y a quelques paysans, pas beaucoup, et qu'il est nécessaire d'exproprier. Ça nous est tombé comme une massue sur la tête, quoi. On était condamnés à disparaître. On s'est dit à ce moment-là, ben, il faut qu'on fasse un serment et il faut qu'on s'engage à ne jamais vendre nos terres, quel que soit le prix. « La première riposte, ça a été de protester avec les outils qu'on avait. Et dans la région, on a deux choses, les brebis et les tracteurs. Et on s'est aperçu que c'était une arme extraordinaire, parce que nous, on sait comment la prendre, une brebis. Des flics. Le Larzac, c'était devenu tentaculaire, comme une araignée. Il y avait des gens qui nous soutenaient partout, en fait. Quoi. L'argent, il manque que ce mot à la bouche. Il faut qu'on leur prouve que malgré ce qu'ils ont fait, ben non, on restera. On répondait à une agression. Ils ne devraient pas comprendre d'ailleurs. Comment ces mecs-là, on veut les mettre dehors, ils continuent à vivre. Oui, on investit, oui, on continue. De notre petitesse à nous, arriver à leur faire la nique, c'était assez jouissif quand même. On fait partie d'une communauté. Le Larzac, on ne s'est pas battu pendant 10 ans pour voir partir un voisin. Le père Palot lui disait, nous, le Larzac, on l'a sous les pieds. Tant qu'on a les pieds dessus, ils ne nous le prendront pas. C'est la grande époque des Michel Sardou, C. Jérôme, Mike Brandt et puis toujours Johnny Hallyday, toujours Claude François. La variété française impose sa marque à travers une, deux, puis trois chaînes de télévision. Les vieux routards de la génération yéyé connaissent des destinées diverses. Tandis que Johnny Hallyday surfe tant bien que mal sur les différents courants, l'ultra-narcissique et maniaque Claude François impose sa marque à outrance. Il a installé sa notoriété en reprenant, comme beaucoup d'autres, des hits étrangers. En grand stratège du show business, il est l'un des premiers artistes en France, après Henri Salvador et Mouloudji, à créer son propre label, Flèche, en 1967. Phase ultime, il développe son propre service d'information en rachetant le magazine Podium en 1972. Claude François a ainsi toutes les clés en main pour développer une industrie du spectacle à lui tout seul. Je peux dire à tous les admirateurs de Claude François que ses obsèques se sont déroulées dans l'émotion, certes, mais que la dignité de cette cérémonie et finalement le respect qu'on devait à cet homme, avec tout son personnage qui s'identifiait à la joie de vivre et qui la représentait en tout temps par ses disques, cette dignité et ce respect ont été préservés. Et je crois que c'est bien. On a vu des chagrins, bien sûr. Voile sur les filles. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Barracuda, je boirai tout le Nil si tu ne me reviens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me reviens pas. Alexandrie, où l'amour danse au fond des rats. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Alexandrie, où tout commence et tout finit. J'ai plus l'appétit qu'un barracuda. Barracuda, je te mangerai cru si tu ne me reviens pas. Je te mangerai cru si tu ne me reviens pas. Alexandrie, Alexandrie, ce soir je danse dans tes bras. Je te mangerai cru si tu ne me reviens pas. Je te mangerai cru si tu ne me reviens pas. Chante encore la même mélodie. jeunesse. Ah ah. Il y a la musique qu'on entend et celle qu'on écoute. Celle qui vient à vous au quotidien, qui passe en radio, à la télé, qui fait danser dans les bals de mariage, qui sédimente une culture populaire, un inconscient collectif. Et il y a celle qu'on écoute pour soi et que l'on partage avec ses copains, toujours meilleure que celle des autres, qui permet de se créer ses propres points de repère culturels, de se définir socialement, que l'on apprécie pour ses qualités esthétiques et parfois subversives, celle que l'on veut promouvoir parce qu'elle donne un supplément d'âme à sa propre vie et qui, parfois, vous change la vie. About the way it's happened. C'est sur ce morceau de Enrico qui s'appelle No More Songs que s'achève notre séquence sur l'underground musical français sur le 100 FM. La soirée n'est pas finie avec Lost in Space, il nous reste encore un petit peu de temps. On va vraiment la rentrer dans des choses un peu plus spéciales, bizarres, toujours entrecoupées de petites notules de Coluche, ce grand humoriste français qui va nous parler de la publicité. Et puis, pour ceux qui ont encore le courage, on en écoutera plein de belles choses de Pascal Comelade, Richard Pignas, Klimperet, Negative Land et j'en passe. Avant d'aller faire un dodo mérité et de se retrouver la semaine prochaine ou toute la semaine sur les ondes de la radio avec notre nouvelle playlist, avec nos émissions toutes diverses et variées. Vous avez, madame, je vois que vous avez acheté un baril d'Ariel. Si je vous le reprends, j'en donne deux, il n'y a rien d'écrit. Oh ben non! Vous voyez, vraiment être con pour ne pas prendre deux barils à la place d'un. Eh, j'imaginais une bonne femme qui dirait, ben merci vieux, salut. Hein. Allez hop là. Ben, ramenez, ça va pas là, c'est pas ça. Là. Coupez, on va la refaire, c'est pas bon. Everything should be taken into account to give the viewer an overall look of style, graphic design, and realism to what girls are really about. She's a person. Since the subject is girls, design of scenes take on the utmost importance. Every object, prop, and piece of clothing should complement each other. Also, the photographic approach should be fresh, alive, active, and inspiring. Contemporary is a good word here. She's a person just like you. 501 jean ads, like the Levi Cords night ads, like the Honda scooter ads, heightened reality vignettes that all exist in the examples I've just described. She's a person just like you. She's got feelings too, so give her love. For this commercial, the look, the style, and the music is everything. Without that, we'll end up with another boring vignette spot about girls. Girls and guys should be between the ages of 13 and 16. Again, the cast should be aspirational. Kids want to appear older. We don't want rowdy, street-looking kids, but we don't want Midwestern milk-fed-looking kids either. The kids should look mature, wise, and have character. To package themselves. We don't want redheads with freckles, all blonde, blue-eyed darlings. We want a cross-section of the American girl. To package themselves. To package themselves and market themselves. Some pretty, some not so pretty. To package themselves and market themselves as shiny, attractive, cool, totally semi-awesome little packages that others are going to want to buy. But with character. We want to portray the world the way it is, so we have to cover the ethnic requirements. Some blacks, some Latins. This is not your typical McDonald's commercial. We are talking a daring step for McDonald's. As shiny, attractive, cool, totally semi-awesome little packages. The kids we are speaking to are dramatically sophisticated. The McDonald's objective for tween advertising is to portray happy, smiling kids in their own world. Totally semi-awesome little packages that others are going to want to buy. The camera is like a disembodied spirit that catches these kids in the act of being themselves. As shiny, attractive, cool, totally semi-awesome little packages. McDonald's still represents God, America, and apple pie. They tell you they want to move out of the neighborhood. But then we find out that they only wanted to go next door. Totally semi-awesome little packages that others are going to want to buy. I'm saying this to say that there is a fine line between where we are and how far we can go. These spots should not look too urban, too ethnic, too new wave, but too anything. To package themselves. It doesn't jive with McDonald's image. Package themselves. Lighting should be dramatic, but not shadowy. Location should be beautiful, but not weird. Clothing should be contemporary, but not punk. Casting should be characterizations, but not to the point of hoodlums. In other words, we can go out of the ordinary, but we can't live there. I know this may sound confusing, but I find it's better to know the way McDonald's works now than argue on the set about it later. Good luck, everyone. Thank you. farce. We have people who love one another. True or false? We help keep families strong. True or false? More diseases than anyone else. True or false? Pfizer, life is our life's work. True or false? Not a return to the map. Our troops will split into two units. You're blowing your kissing up and hugging the word. Give me. Et puis, qu'est-ce que vous avez reçu? Vous avez le nouvel Homoul. Ah, il est bien, le nouvel Homoul. C'est celui qui lave encore plus blanc. Moi, j'avais l'ancien Homoul qui l'avait plus blanc. Et il avait bien, déjà, hein. Et maintenant, il y a un nouvel Homoul qui lave encore plus blanc. Moi, j'ose plus changer de lessive. J'ai peur que ça devienne transparent, après. J'ai déjà l'air con avec des rayures, hein. Il rigole, en plus. Bon. Retreating to the breath of the night wind down the vast edges drear and naked shingles of the world. Ah, love, let us be true to one another. For the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy nor love nor light, nor certitude nor peace nor help for pain. And we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. Thank you. Parce que je suis allé voir monsieur Homo. J'ai dit, dites donc, je m'excuse de vous déranger. Pendant le repas, parce qu'il était à table. Avec des enzymes à lui. Alors, il était là. Thank you. Le nouvel homo, est-ce qu'il lave plus blanc que l'ancien homo? Il lave plus blanc, le nouvel homo. Mais l'ancien homo, alors, il lave moins blanc, alors? Non, l'ancien homo, il lave blanc. Ah bon? Parce que moins blanc, je sais ce que c'est comme couleur. C'est blanc. Moins blanc que blanc, je me doute. Ça doit être gris clair. Mais plus blanc que blanc, qu'est-ce que c'est comme couleur? C'est nouveau, ça vient de sortir. Qui shoot dans la lucarne, l'histoire Santa dogs with Jesus features, Santa dogs with Jesus features, has no presence in the future, in the future. Fleeting as fleeting Santa, slowly Santa slips. Fleeting as fleeting Santa, slowly Santa slips. Fleeting as fleeting Santa, slowly Santa slips. Fleeting as fleeting Santa, slowly Santa slips. Meeting in the sleeting scene, slowly said the sleeve. Bing, bing, bing, bong, bong, bong, slowly said the sleeve. Fleeting in the greeting scene, effervescent ease. Bing, bing, bing, bong, bong, bong, effervescent ease. Greeting in the meeting team, voice to crusty words. Greeting in the cheating team, ever noxious herbs. Bing, bing, bing, bong, bong, bong, ever noxious herbs.

Thank you.